les ciseaux de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès Cifou édition complète pour la semaine du 9 au 15 septembre 2013. Aujourd'hui, dans l'émission, Colin, Stéphanie Paradis, bienvenue, premièrement. Ben merci, bienvenue, Mathieu Plante. Colin, c'est ça. Je pense que t'as dit qu'on dirait pas nos noms dans la version complète. Mais ça marche pas. Je le savais que t'allais te tromper. Comment tu veux commencer à parler si on n'a pas dit nos noms? Ça fait froid. Ça marche pas. Ça fait comme, ben là, c'est qui eux autres? c'est doux les doudettes, là. Robot et Robette. Robette. Oui, on a appris ça, c'est drôle comme terme, mais c'est ça. Donc, dans l'émission d'aujourd'hui, on va savoir d'ici la fin de l'émission si nos numéros 1 sont toujours au sommet. Donc, du côté anglophone, le numéro 1 de la semaine passée était Said Well avec I Love You. Alors que du côté francophone, c'était Le Couleur avec la pièce Femme. Mm-hmm. On a énormément de nouvelles entrées. On vous en parlera dans la première heure, dans quelques secondes. Le temps de vous dire que plus tard dans l'émission, on va avoir le bloc C'était Fou. Ouh! Dans la deuxième heure. On va avoir le Palmer Rest in Peace dans la première heure. Oh! Oui, les émotions sont nombreuses, hein? Oui, le « ouh! Ouh! Ah! » Donc, un beau petit 3 heures à passer ensemble. Mais moi, je pense qu'on devrait commencer à l'instant avec la première heure de l'émission. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? Vu que c'est la première heure, on pourrait commencer par celle-là. Ouais. Donc, voici les Palmarès Cifou édition New Shit! Bonjour et bienvenue au Palmarès Cifou, édition New Shit, et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Mm-hmm, c'est la semaine présentement du 9 au 15 septembre 2013. Dans cette première heure, on va entendre 10 nouvelles entrées. C'est du rarement vu. C'est un gros festival de nouvelles musiques. Monte ton cheval! Non, mais ça n'a comme pas rapport. Je pense pas qu'il va y avoir du de chevaux puis de cowboys puis de western. Puis il n'y aura pas de boost partout à terre. Ben, souhaitons-le. Quoi qu'il y en a qui disent que des fois, les nouvelles entrées, c'est de la grosse, mais c'est pas vrai. Non, ça, c'est ce soir au 10-12. C'est Bernard. C'est Bernard, oui, parce qu'il est brun. Oui, c'est ça. Okay. Puis parce que son album, c'est numéro 2. Oui. Je me demandais où tu t'en allais avec ça. Je me disais, attends un peu, t'es-tu en train de piner le spectacle du 10-12 en disant que c'est de la grosse? Mais non, mais c'est parce que c'est très brun. Très bon. Tout simplement. Donc, nouvelles entrées du côté anglophone, on va retrouver entre autres Braids, Fur Trade, Nico Case, The Pack 80 et Paper Maps. Et du côté francophone, ça va être Panache, La Question, les Hand Claps, Michelo et El Motor. On va commencer en 20e place du côté anglophone, c'est Paper Maps et The Hedonist sur l'album Darker Lights. Mais on débute du côté francophone avec Petit Pain de Panache. C'est pas mal assez fou, édition New Shit. Ah, un petit pain serait bon. Oui, tartiné de New Shit dessus. Ah, miam! Gratiné, ça passe. We'll be right back. l'entrée. L'AGE-UQTR est fier de s'associer à cette présentation des palmarès C'est fou. J'aurai son de ta voix me ramène sur terre. C'est nouvelle entrée. Is my battery well? battery. C'était une pièce de Pat Kelly et c'est... comment on appelle ça? Battering? Battering Ram. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est en 19e place. Oui, et du côté francophone, tout juste avant, c'était une année de travail de la question. On a aussi entendu en 27e place Paper Maps avec The Hedonist. Et Petit Pain de Panache. Oui, Panache, enfin le retour de Panache. Ah c'est ben, bon. Je connaissais pas vraiment, en fait, là. Enfin le retour, je peux pas dire. Ouais, mais ils sont reconnus pour leur très, très courte pièce et celle-là, au moins, dure un petit peu plus longtemps, donc plus à savourer, si on veut. Mais écoutez l'album au complet. Ben, OK. Il nous reste encore 6 nouvelles entrées. Donc, allons-y à coup de 2 pour l'instant. Du côté anglophone, c'est Nico Case avec Man. Mais tout juste avant, on va entendre du côté francophone J'aime ça de les Hand Claps. Ouais, puis on donnera notre verdict sur nos préférés à la fin du blog de nouveautés. Ouais, oui, mais on en masse de choix, là. Pour la fois. Notre premier assez fou édition New Shit. Au 89.1 FM. Entrée. When you catch life, you look like your mother. It crushes me some, just right from the side. Désolé, je sais que c'est vraiment pas professionnel d'interrompre une chanson, mais je suis en train de mettre la mauvaise pour ne pas tant de temps que ça à perdre. C'est plate, hein? Pour vrai, non, c'est vraiment plate de vous faire ça, mais c'est comme ça, quand même. C'est comme ça. Allons-y avec la bonne pièce de... Mais en fait, je la trouve pas. Je la trouve pas. Sur le CD. Passons à la suivante. Ça vous dérange-tu? Ça a l'air fou, là. Je sais que ça a l'air fou, mais c'est comme ça. Alors, on va l'entendre Michelot tout de suite avec sa prochaine nouvelle entrée, puis tout ça ne paraîtra pas pour les autres diffusions, OK? Note à moi-même. Voici Michelot, ses bottes sont faites pour marcher. Encore. Ah ben, écoutons là. On l'écoute. Sans commentaire. Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre fille, je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent. Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. C'est plus fort que toi. Et tu ne sais jamais où est la vérité. Comme tous les enfants, tu crois être nommé. Mais toi dans la vie, tu ne m'as rien donné. Ces bottes sont faites pour moi. like your mother. It crushes me some, just right from the side. When you catch the light, there's a flash of wild creatures. For the stone age of the preachers and the husbands and the wives. And darkens the lens that projects my disguise. As you fight alongside, you'll discover my weakness. I'm not fighting for your freedom, I am fighting to be wise. Invisible, but otherwise I would choose the king, even though it sounds the loneliest. And my brother's hands would poison me. No mother's hands to quiet me. Don't get heavy. C'était Fur Trade, une nouvelle entrée en 17e place anglophone. Don't get heavy. Comme il vient juste de dire. Et avant ça, c'était du côté toujours anglophone en 18e place, Nico Case et Man. Du côté francophone, on a entendu premièrement « Ces bottes sont faites pour marcher » de Michelot. Et tout juste avant, on a entendu « J'aime ça » de les Handclaps. Et voilà, hey, un gros plein de nouvelles entrées. Encore une fois, 4 pièces en 17e et 18e position. C'est magnifique. Il nous en reste que 2, ça veut dire ça. Ben oui, t'es bon en mathématiques. On a dit qu'on avait 10, on a fait 2 blocs de 4 à date. Processus d'élimination. Ouais. Tiens, prends pas un génie, là. Ben... Hein? Ben! J'essaie de te faire des compliments. C'était fait. Il faut que je dise merci. Exactement. Merci. On doit prendre les compliments, Mathieu. Voilà. Il nous reste seulement les 16e places à entendre du côté anglo. C'est Braids et Fruend. Mais tout d'abord, en francophone, l'homme éléphant de El Motor. Ouh! Ah, ça aussi, c'est un retour pour El Motor. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'eux. El Motor, c'est-tu le moteur ou la moto ou le. Le moteur. Le moteur, c'est quoi? Ouais. C'est quoi, moteur? Je sais pas. On fait des recherches? General Motor? General mon général moteur. C'est comme Monsieur Muffler, général moteur, El Motor. Pareil. C'est pas mal, c'est fou. Au 89 FM. Thank you. Raids et Fruind. C'est en position numéro 16 de l'album Flourish Perish. Et du côté francophone, c'était l'homme-éléphant de El Motor de l'album Le Monstre. On vient d'entendre donc 10 nouvelles entrées depuis le début de l'émission. Ça fait environ 35 minutes. Et Colin, que c'était bon? Ça promet. Ça promet et ça va durer longtemps tout ça parce qu'à un moment, il y a 10 chansons. On risque d'y s'entendre encore à quelques reprises fort, quand même. Probablement. Nos préférés là-dedans, je sais pas, moi j'irais peut-être avec, mettons, j'ai bien aimé Paper moi, Maps. J'ai bien aimé The Pack AD. Oui, c'était bon. Les Hand Claps, toujours gagnant. Panache, évidemment, j'adore. Mais je dois avouer que la pièce, ses bottes sont faites pour marcher. Il y a un petit quelque chose. C'est un classique. C'est un classique. On peut pas dire que c'est pas bon. Et je trouve que c'est très bien interprété. Oui, ben Michel O, qu'on avait déjà eu en entrevue à Assemblage Requis dans les dernières années. Je crois que c'est dans la dernière année. Oui, dans la dernière année, oui, parce que je m'en souviens. Oui, c'est donc c'était là. C'est j'affirme. Et c'est la classique fois où j'ai fait la blague dont tout le monde va se rappeler pour toujours. Wow, c'est cool que t'aies fait un CD en forme de ton nom. Michel O, Colin, t'as fait un CD en forme de rond. C'était bien, bien drôle. Fallait être là. Donc, on a terminé pour les nouvelles entrées pour cette semaine du 9 au 15 septembre 2013. Ça veut dire qu'on embarque dans des choses qui existent depuis quand même un bout. Et là, je me rends compte, j'allais jouer les Indiens, mais elle dure 6 minutes, puis ça me tente pas de l'entendre. C'est le fun, hein? Je réalise ça à l'instant en même temps que vous autres. Donc, à la place, on va aller du côté anglophone à la position numéro 15, Steph. Donc, on va entendre tout Steph de Bear Mountain. Ça va faire changement un peu, ça? Parce mais je l'adore, mais je suis un peu déçu. Méchante drop, 9 positions. On peut pas t'avoir, ça peut peut-être remonter. Ça fait des exacts, des fois, c'est comme un Bear Mountain, c'est des montagnes. Est-ce qu'on peut la faire jouer comme 3 fois de suite là pour qu'elle remonte? Non, mais je peux te la faire jouer pas fort, ensuite fort, ensuite moins fort. Fait que là, elle monte puis elle descend. Elle monte puis elle descend, c'est un zigzag. C'est tellement de mauvais goût. C'est complètement assez fou. Ça fait ensemble, ça rime. Yeah. Au retour, Mimi Manderlo et San Cisco dans les Palmarès Ifo 89.1 FM. Tes sourires font des trous.

C'était Phoenix et Trying to be cool en position numéro 11. Ça monte de 7 places, c'était nouveau la semaine passée. Et avant ça, on a sauté par-dessus Alice in Chains et Voices qui montent de 8 et qui étaient aussi nouvelles la semaine passée. Et du côté francophone, en 12e place, c'était Coup de vent de Summerland. Et tout juste avant, en 13e place, Amour d'amour de Sonny Duval. Et c'est là-dessus que se termine la portion New Shit des palmarès C'est fou. Si vous écoutez le jeudi, restez là parce qu'on continue après la pause avec le top 10. Sinon, les gens qui nous écoutent le lundi, on continue demain parce que c'est du lundi au mercredi à 17h. Et restez là pour la prochaine heure. On a une surprise pour vous. Oh oui! Un animal de compagnie. Ouh, on va le flatter dans le sens du fouet. Oh, c'est très, très flou comme indice, ça, c'est... C'est fou. 89.1. Les Palmarès C'est fou, édition top 10. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Oui, bienvenue à notre petite édition top 10 où on vous présente, devinez quoi, le top 10 des Palmarès de C'est fou. C'est incroyable. Surprends-moi. Oui. Ben, est-ce que tu veux que je te surprenne un petit peu? Oui, donc. Parce qu'on fera pas ça tout de suite, le top 10. Hein? On le repousse un petit peu à plus tard. Mais voyons donc. Oui, parce qu'on va se faire attaquer par un ours. On a seté notre trappe sur le plancher du studio, dans le centimètre carré qui reste dans le coin. Ça sort ton miel. C'est ça. Oui, je me suis tartiné de miel au cas de le miel complet. C'est chic. Vous voulez pas avoir l'image. Vraiment pas. Donc, on va recevoir Bears of Legend dans quelques minutes pour le show de la rentrée de la GEQTR qui se prépare, qui va avoir lieu ce soir pour ceux qui nous écoutent le jeudi. Et la semaine passée pour les autres. C'est ça. Vous avez manqué tout un show. Mais vous allez avoir une très bonne entrevue, par contre, et vous allez pouvoir ajouter ça à votre agenda pour le prochain spectacle de Bears of Legend, n'est-ce pas? Oui, très bonne idée. Ben, j'aime bien ça. Donc, allons-y tout de suite avec une pièce de leur part. Bears of Legend, c'est The Mornings I've Let You Down, un classique des palmarès. C'est fou. Our soul and deep speed. You come with the heart. you down. You said God has just never been here, that he works for the mothers in tears. He let you fall in between the rocks and the leaves, the skies and the trees, the grass and the sea. The words that we said, the chairs where we sat, the good and the bad, the rocks and the leaves, the skies and the trees, the grass and the seas. The words that we said, the chairs where we sat, the good and the bad. In the cold, the mornings I've let you down. Of Legend et The Mornings I've Let You Down. Toujours un vrai délice dans les oreilles. Et c'est un classique des palmarès de C'est Fou, évidemment, du côté anglophone, parce que le titre est assez compliqué à dire de même que ça doit être en anglais. The Mornings I've Let You Down. Et parlant de Bears of Legend, on accueille Claudine. Hello, hello, hello. De Bears of Legend, ça va bien? Oui, ça va très bien. Vous autres? Mais très, très bien. Ça numéro 1. Good. Good. Quoi de neuf? Okay. Claudine, du groupe Bears of Legend, parce que vous êtes en spectacle ce soir au 10-12. Non, à la Chasse-Galerie. Ouais. Ça commence très bien pour moi. Donc, à la Chasse-Galerie, en spectacle séparé avec... où est-ce que c'est? Avec Bernard Adamus. Bernard Adamus, c'est au 10-12. Puis nous, on commence ça à la Chasse-Galerie. On réchauffe le party de la rentrée. Cool. Vous allez faire combien de pièces? Combien de temps est-ce que vous allez remplir ce soir? Oh, on va faire 2 heures avec un tract. Cool. Ah, quand même, rien c'est de moins. Ouais. Wow! C'est un gros mandat. C'est notre set habituel. Là. On est rendu à... On a plus juste comme 4-5 chansons à offrir. Là, on est rendu avec un full album. Donc, le show est complet. Et on risque d'entendre donc l'album vraiment au complet. Est-ce que vous le faites dans l'ordre ou pas vraiment? Non, on le fait pas dans l'ordre. On le fait comment que ça va le mieux pour nous autres de le faire. Mais pas mal tout ce qui est sur l'album, on le joue en spectacle. Cool. Donc, des classiques, dont The Mornings I've Let You Down. Dont The Mornings I've Let You Down. Est-ce qu'il y a des trucs inédits ou des petites surprises? Oui, on a deux pièces qu'on fait de plus qui seront sur, attention, primaire, sur le deuxième album de Bears of Legend qui sortira probablement au printemps 2014. Oh, ça donne le goût, hein? Mais on adore ça. Est-ce que vous avez un titre en tête pour cet album-là ou là, on va trop loin sur les punchs? Hein? Ouais, là, quand même. Non, quand même OK, revenons un petit peu dans le passé. La place. Cet été a été assez rempli pour Bears of Legend. Qu'est-ce que vous avez fait de bon? Très rempli. En fait, je pense qu'il n'y a pas une ville au Québec qu'on n'a pas été visiter. Et ça se poursuit là, en septembre. Là. On s'en va jusqu'en Abitibi-Rouyn-Noranda le 21 ou le 22, en tout cas, quelque part dans ce coin-là. La semaine de ce coin-là. Oui. Mais c'est ça. Puis là, on a fait toute la Gaspésie, les îles de la Madeleine, avec des shows comme partout dans toutes les villes où ce qu'on arrêtait. On est allé se promener du côté de Tremblant, du côté de Alma, Jonquière, l'Abbé. En tout cas, on s'est pas mal trotté avec notre super autobus jaune. Mm-hmm. Qui, ça s'est bien passé. On avait des petites craintes à savoir si ça allait toffer la run. Mais oui, il est encore parmi nous. Et est-ce que vous aviez rencontré un ours? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que vous avez déjà vu un ours dans votre vie, un des membres, non? Jamais, non, mais on attend que ça, rencontrer l'ours, le dit ours. Mais en fait, nous sommes tous des ours. Hein. On se qualifie nous-mêmes d'ours. Oh! Les ours, ouais. Les oursettes. Eh oui. Oh. Donc, votre spectacle ce soir, c'est à Trois-Rivières. Et donc, comment est-ce que vous voyez ça, de revenir faire un spectacle dans votre ville? Le feeling de jouer à Trois-Rivières, c'est quoi pour vous? Ben en fait, on a tellement de... On visite tellement de places au Québec. C'est super le fun, mais tu sais... C'est sûr qu'à Trois-Rivières, c'est là où tout a commencé. C'est d'ici qu'on vient, puis c'est tout notre monde qui se déplace pour venir nous voir dans un contexte super festif, en plus que la rentrée de l'université. Je veux dire, je pense que ça va être un beau party. Je pense qu'on va donner tout ce qu'on a pour que les gens soient satisfaits. Ouais, aux étudiants, votre public cible en même temps. Mais c'est ça. En fait, on a un public cible de 7 à 77 ans, là, je dirais. C'est large. C'est assez large, mais... Et large de poids aussi, vous prenez vraiment tous les poids de fans que vous voulez. Ouais, tous les poids, toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Ça a l'air arc-en-ciel de plaisir. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on se procure cet album-là? Il est disponible partout en ce moment, l'album de Bears of Legend. Ouais, disponible sur bandcamp.com. Ça, c'est pas mal ce qui est le plus avantageux pour nous si vous vous procurez sur l'argent Bandcamp. L'argent est directement à vous. Un petit minuscule code, c'est sûr que, tu sais, iTunes, ça, c'est un classique. 30% à Apple. 30 ou 40. Genre, c'est ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est assez facile de se procurer l'album à ce niveau-là aussi. Sinon... En show, ça c'est ce qui est le best en fait, c'est que là ça nous vient vraiment à 100%. Ouais. Les t-shirts aussi, j'imagine que vous avez du petit matériel ce soir. Oui, on a des t-shirts, des belles camisoles aussi là. Je sais que l'été tire à sa fin malheureusement, mais là on a quand même un beau petit modèle de camisole avec un dessin très personnalisé. J'écris le texte sur la camisole moi-même. Ah. Donc des tucs pour l'hiver qui s'en vient. Cool. Ouais. Cool. Vous faudrait pour le bar du foyer et c'est des soirées romantiques une peau d'ours. Peau d'ours. Hey, mais ça coûte très cher une peau d'ours. Ça c'est comme une. Vous êtes renseigné, hein? Je pensais vous avoir, mais. Moi j'ai toujours. J'aime bien ça, là. Je trouve ça beau, là. C'est confortable, mais en même temps, je suis pas trop pour la chasse, donc je me contredis complètement. Et du synthétique, vous avez pas pensé à vous appeler genre Synthetic Bears of Legend? Oui, j'ai acheté bien, on y a pensé, mais ça n'a pas passé au concept. Ouais, mais... L'idéal, c'est d'avoir un ours comme animal de compagnie, tout simplement, à côté du foyer, puis on peut se coucher en cuillère avec. Et voilà. Ou quelque chose qui sonne comme ours. Un vrai ours vivant, dans le fond. Oui. Ou un oursin. Un oursin, c'est quoi? C'est un petit. Non, ça, c'est un mollusque. Oui, c'est ça. Ça sonne pareil. Puis c'est piquant. Il y a une bourse aussi, comme une sacoche. Ah oui, une bourse. Le grand ours, on passe à d'autres choses de l'action. Tu vois, je trouvais que j'avais pas de questions. Fait qu'après, je me suis dit, je vais mettre des commentaires de n'importe quoi. C'est ça. Ça va être sympathique. C'est bon. Mais c'est raté. Donc, OK. Donc, on va se quitter avec une pièce de votre album qui s'appelle évidemment Good Morning Motherland. Et j'aurais envie de vraiment de te choisir, te laisser choisir. J'oublie des mots. Carte blanche sur le choix de la pièce. Ça peut être peu importe la longueur, peu importe la saveur, la couleur, comme on dit tantôt. OK. Ouais, donc, sur les ondes de C'est fou, mesdames et messieurs, à l'instant, Bears of Legend avec la pièce... Attends, il faut que je sois rapide, c'est plutôt OK, A Life Like Rose. A Life Like Rose. À l'instant. Ouh, je l'ai! Bonne écoute. Bonne écoute. Merci à toi, Claudine. C'est un plaisir, merci à vous. Bon spectacle ce soir, jeudi, le 12. To live a life like Rose. C'était Bears of Legend et la pièce A Life Like Rose sur leur album Good Morning Motherland. On remercie encore une fois Claudine qui est venue nous voir de Bears of Legend. Merci. Merci. Et on rappelle le spectacle de ce soir. Tout ça commence à 21h30. C'est le parti de la rentrée de la GEQTR avec aussi Bernard Adamus et Mario Estrada. Et aussi une prestation de dernière minute, Belle Ours, qui va être là aussi à la chasse-galerie. Donc, on a le double d'ours à la chasse-galerie. Double bear. Donc, ce soir, n'oubliez pas votre poivre de Cayenne. Ça pourrait être vraiment pratique si ça dégénère. Hey, c'est presque insupportable ou en anglais, unbearable. Bear. C'est juste le mot d'ours. Excellent. C'est incroyable. C'est toujours les palmarès, c'est fou. Et c'est l'édition top 10. Et là, on va pouvoir le commencer, ce fameux top 10-là, parce qu'on en parle, on en parle, on en parle, et on le fait pas jouer. C'est bizarre quand même, tu trouves pas? Non. On fait ça souvent, je trouve. Ouais. Du côté anglophone, plus tard, on aura Dinosaur Bones et Nothing Left Between the Lines. Mais on va commencer, bien entendu, en francophone, avec Don't Get La de Mister Valère. Oh! Ça, j'aime ça. En moi? Ouais, fait que je vais faire play. On va mettre la toune. OK, si tu le dis. Je te fais confiance là-dessus, mais... C'est pas mal, c'est fou. 89.1 FM. L'Association générale des étudiants de l'UQTR est fière de s'associer à cette édition des palmarès C'est fou. La peur est un voleur que l'on invite chez soi. Retour Caveman et les instants classiques d'assemblage requis au palmarès C'est fou. Sur C'est fou, 89.fm. CFOU 89.1. We'll be right back.

Rara et Twinnies. Position numéro 7, ça monte de la 11e place. Et du côté francophone, ça monte de 13 places, les coloriers d'Alex Nevsky. Avant ça, on a entendu en 8e anglophone, Jay Arner et Midnight on Somerville qui montent de 4. Et du côté francophone, Haiku Girl de Lila Dissa. Et c'est là-dessus que se termine la portion top 10 des palmarès C'est fou pour les auditeurs du jeudi et du dimanche dorénavant. On joue à midi en passant le dimanche. On va revenir dans quelques minutes. Pour ceux qui nous écoutent le mardi, ben, ça suit le mercredi à 17h parce qu'on est du lundi au mercredi à cette heure-là. C'est cool, hein? Oui, j'étais un peu mêlé, mais... Ouais, j'avoue. J'avoue. On va sauter par-dessus la 6e francophone qui est deux pouilles en cavale avec Courir nu, mais on se quitte avec la 6e anglophone. Qui est Summer Lovin' de Danks. Oui, oh yeah, à plus tard. Bye-bye. Pour la semaine du 9 au 15 septembre 2013, elle est Stéphanie Paradis. Oui, c'est Mathieu Plante. Mm-hmm. Bienvenue à vous, à la maison que vous soyez, de notre top 5. Hein? C'est classe, hein? Non, pas vraiment? Non, ça faisait attitude un peu pédante. Un petit peu, genre, oh ouais, c'est ça, voir que vous êtes capable de supporter de la si bonne musique. C'est tellement inférieur. Donc, on va savoir d'ici la fin de l'émission si nos premières positions sont toujours du côté anglophone. Set the Whale et I Love You. Et oui, Le Couleur avec la pièce Femme. Ben, on le saura très, très, très bientôt parce que c'est elle qui va commencer le bloc. C'est ce que j'allais dire, donc. À tout à l'heure, en anglophone, en cinquième place, c'est Home de la formation Ostra. Et donc, comme on vient tout juste de le constater, on s'en va entendre l'ancien numéro 1 et c'est Femme de Le Couleur. Hey, pour eux autres. Hein. Ah. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Je vois. Du coloriage, je veux couleur. Ah, oh, c'est bon ça. Elle faisait tout le palmarès. 89.1 FM. Mais

Astra et Home, position 5. Et ça monte de 3 places. C'était la 8e la semaine passée, si vous avez bien compris. Et ça descend de 4 places du côté francophone. Femme de la couleur. Ouais, tantôt, les 4e places s'en viennent. Atomic Baobab et Set the Whale. Mais avant ça, Stéphanie Paradis. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Plante? Ben, Colin, plus tôt dans l'émission, slash il y a quelques jours, dépendant de où vous nous écoutez, on a écouté 10 nouvelles entrées dans le palmarès au début. Oui. Ouais. 10 nouvelles entrées. Ça veut dire quelque chose, certain, ça? Ben, Colin, qu'est-ce que t'en penses, hein? Pas vite, vite, là. Hein? slow bin, là. Ouais, je me fais niaiser, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas ma rest in peace. Just mountains of change. What's gonna happen? Voici les pièces qui nous ont quittés depuis le précédent palmarès. Il y a ce que nous sommes, vous ne voyez que le minimum, la pointe, l'iceberg. J'suis cassé tête, mais j'ai trouvé une coupe de pièces pour aller boire des choux. Des extraits des pièces qui ont quitté les palmarès fous depuis l'édition du 2 au 8 septembre 2013. On a donc dit au revoir à La Question et la pièce La Pointe de l'Iceberg qui est restée pour 6 semaines. Ensuite, Les Sœurs Boulées et des shooters de phare sur ton bras, 5 semaines. Mauve avec Giovanni Cabotti, 6 semaines. Forêt et repose-toi bien pour Thomas, et ça a duré 7 semaines. Ponctuation avec Ciao Bye Ciao, qui est resté 8 semaines. Ensuite, une anomalie, si on veut, c'était Young Galaxy et Crying My Heart Out, qui a duré seulement une semaine pour des raisons complexes et beaucoup trop... pas simple à expliquer, fait qu'on l'a... Mais elle était bonne. T'es bonne. On a aussi dit au revoir à Sand et Mirror Mirror, qui est resté 7 semaines. Et puis We Are Wolves et Sun, 6 semaines. The Damn Truth et la pièce Montreal, qui est restée 5 semaines. Et finalement, MSMR ou Miss Mister avec Bones, qui a duré 7 semaines. Là, on a entendu 10 extraits de pièces. C'est rare. C'est rare, puis ça fait mal. Oui, c'est beaucoup trop long et c'est difficile de se débarrasser de pièces qui ont duré aussi longtemps. Tu sais, genre. C'est un grand deuil à faire. Ouais, disons qu'on porte tous du noir en ce moment pour cette portion de l'émission. C'est faux, mais imaginez qu'on porte du noir. Faites comme si, on n'est pas si gothique que ça. Alors voilà pour Palmarès in Peace. On fait ça toutes les semaines ici au Palmarès. C'est fou. Maintenant, continuons. On était rendu dans le top 4 maintenant. Du côté anglophone, c'était Set the Whale et I Love You qui est l'ancien numéro 1. Dommage. Hein? Et ça monte de 6 places. Du côté francophone, c'est Radio Réveil d'Atomic Baobab. Au Palmarès, c'est fou. Édition top 5. Au 89.1 FM. Me prennent d'assaut. C'est juste le temps qui passe, on viendra. S'il faut encore la joie d'être pris dans le trafic, avec des pubs sur le bord de la route qui vendent des voyages au Mexique. Se fait plus rare. Je m'y fais pas la routine, c'est vraiment pas mon exutoire. Il faut que je prenne la fuite, la prochaine sortie. Aujourd'hui j'en poche, je fais la paix avec ma folie. C'est comme une zone, les années 80 qui avaient un mal.

y a des pièges, on se poursuit dans cette vie. We'll be right back. Imagine City, c'est Sooner or Later, position numéro 3 qui monte de 4. Et ce côté francophone, tout juste avant, on a entendu Dans cette vie de Félix-Antoine Couturier, ça a quand même monté de 9 places. Oui, puis Caroline, comment ça l'aimait celle-là, moi? Je m'y attache. Elle commence plate un peu, je te dirais, sans rancune, en passant. Mais elle a l'air comme plate un peu au début. Puis elle embarque, puis là, quoi, c'est bon! Moi, c'est quand même! Qu'est-ce que c'est ça, de faire là? Tiens, parlant de choses qui sont très bonnes, Caféine et The Caleb Pires s'en viennent tantôt. Mais avant ça, Steph. Oui, Mathieu. On recule très en arrière. Oh, est-ce que tu vas m'instruire sur le passé? Ouais, parce que tu le connais pas bien, bien le passé de C'est fou, toi, hein? Le passé simple, par contre, je suis quand même popée. Excuse-moi. Oui, aussi le passé de C'est fou, excuse-moi, si tu le composes, mettons, tu regardes le verbe dans le Becherel, là, C'est fou devient C'était fou. C'est fort. Quand même. Ce fut fou, par exemple, ça, c'est le passé. Ah oui, bon. Tu t'embarques dans les grosses affaires. C'était fou, c'est le bloc où on recule dans le passé de l'histoire grandiose de C'est fou. Et cette fois-ci, on retourne dans la semaine du 8 au 14 septembre 2006. 2006? Oh oui, on sort la petite pelle. Première année de cégep pour moi. Ah, quand même? Donc, tu peux te replacer dans le temps. Moi, j'étais assez fou et j'animais des émissions et je travaillais ici. Fait que je ne le dirai pas chaque semaine, je pense. Ça risque d'être ça chaque fois. Ça, je vais redonder, comme on dit. Exactement. Donc, tiens, du côté anglophone, ce sera Voivode et la pièce The Extreme. Mm-hmm. Du Voivode, c'est un groupe québécois, ce que je sache. Mais on va commencer avec un autre groupe québécois qui est en francophone cette fois-ci. Par contre, on s'en va entendre les Breastfeeders. Vraiment une très bonne pièce. Voici Funny Funiculaire au 89 FM. C'est là, tu le mets là au passé, mettons. Ça fait... C'était fou. Tu l'as appris tantôt. Fais pas comme... Oui, excuse-moi, J'avais juste encore fufou, puis je trouvais... C'est fufou. C'est fufou. C'est encore un meilleur titre. C'est fufou. On va le changer. Yeah. C'était le numéro 1 de la semaine du 8 septembre 2006. On vient d'entendre en anglophone Voivode avec The Extreme de leur album 14. Et avant ça, c'était Breastfeeders avec Funi Funiculaire de l'album Les Matins de Grand Soir. Stéphanie, c'est loin 2006 pour toi? Ben, pour toi aussi. Pour moi aussi, en effet. Sauf que musicalement, on les entend encore, ces pièces-là. Donc, tu sais, c'est pas fini. Ben oui, c'est sûr. Exactement. Veux-tu d'autres faits divers sur la semaine du 8 septembre 2006, toi? Est-ce que je dois répondre oui? Supposément, si ça veut fonctionner pour moi, pour ce que j'allais dire. Vas-y donc, Mathieu. Merci. Dans le palmarès aussi, cette semaine-là, il y avait Malajube avec Étienne Daou. Les Trois Accords avec Tout Nu sur la Plage. Waouh! Vulgaire Machin avec Puits sans fond. Il y avait Caféine. Vous avez Caféine et Gisèle. Ah! Jean Leclerc, Mexico. Mm-hmm. Du côté anglophone, on trouvait Pascal Picard en deuxième position avec Gate 22. Là-dedans, des choses qu'on connaît aussi encore aujourd'hui. Phoenix, qui est encore même sur le palmarès là. Oh, génial! C'est le fun. Avec la pièce Napoleon XVI, il y avait aussi Wolf Mother, Rise Against, Iron Maiden et un paquet d'autres choses dans les top qui est à l'époque des top 15 pour la semaine du 8 au 14 septembre 2006. Ah ouais, des top 15? Oui, on a poussé. On a un peu comme Assemblage Requis a poussé d'une heure. vous non, en parlerez un peu plus tard. Hein? On a nourri le palmarès. On l'a nourri quand on a commencé les quotidiennes en 2009. Ah. On a augmenté les top 20. Voilà. Donc, c'était fou, le petit bloc historique de C'est fou. Et c'est moi qui étais en charge de ça parce que Colin, j'étais là à l'époque. T'sais. Mais t'es un faux historien. Un faux. On peut pas faire faux historien. Un faux. Ben oui. Un isphorien. Ben non, mais il y a un H au début de l'historien, même. Non? Oui, mais c'est un H aspiré. Ah, oh, Colin, hein? Moi qui pensais être. Fait que tu peux dire coupé. Historien. Historien. Donc, voilà pour C'était fou. C'est assez dit. On retourne à notre palmarès, top 20. Oui, plus nouveau, ces top 20-là, mais quand même, ils sont quand même très beaux. Du côté anglophone, la position numéro 2 est occupée par The Cat Empire et Brighter Than Gold. Et du côté francophone, c'est L'Orpheline de Caféine dont on vient justement de parler en 2006. Là. Lui aussi, sa carrière est longue et fructueuse et rhum fruit. Fruité. Merci, Steph. De rien. Ce n'est pas vrai, c'est fou. the darkness is ablazing. All the angels, saints, and soldiers come step to the parade. I run out like a cheetah. The monk is in the blood. And what a piece of work is man who screams the name of love. But all his brothers, cousins, sisters, and others hear his fuzz. What none can dream, but light calls it a lie. And all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. But Brando's in the forest, and Nancy's in the flood. The black swan makes a pirouette, the gods cry from above. And all the rain keeps falling on bare feet in the mud. C'était le Canapé Brighter Than Gold pour son numéro 2 anglophone. Et de côté francophone, c'était l'orpheline de caféine. Maudit j'aime de Canempire. C'est débile, hein? Je capote à chaque fois que ça joue. Voyons, non, c'est quoi l'affaire? C'est fou raide. J'aime trop ça. OK. Donc, pendant que je me calme un peu les nerfs, là, il nous reste seulement les numéros 1. Vous savez, tous ensemble, vous pouvez répéter après moi. Je vais vous aller même compléter la phrase. Pour son numéro 1, veut dire... T'as 104? Je de mots! Poche! Faut que tu dises poche, son poche. Ah, poche. Mais je pensais que ça venait avec. Je pensais que c'était sous-entendu, étant donné que c'était toi qui faisais. Ah, ben merci, Colin. Hein. C'est un commentaire qu'on entend fréquemment. Mathieu Plante égale humour douteux. Je m'assume là-dedans. Je dis dans la pub, fait que, tu sais. Non, mais c'est bien. Tu t'assumes. Donc, on peut pas juste pas t'apprécier comme ça. Ben, c'est ça. C'est comme ça que je fais ça. C'est comme dans la vie, tu sais. Mettons, quand tu parles, t'as une certaine. Tu parles à un certain rythme. Tu as une certaine cadence. Bon, moi, ma cadence, c'est les jeux de mots. Jeux de mots, tu sais. C'est de même. Papa part, tu dégaines, jeu de mots. Je dégaine plus vite que son ombre. Je fume mon petit bout de foin, là, comme Lucky Luke, là, parce qu'il peut plus fumer de cigarettes. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, parce que Colin, il n'avait plus de cigarettes. Il n'avait plus. C'est un jeu de mots, ça m'est caché comme plus subtil. Tu vois, il y a différents niveaux. C'est comme une chanson. Des fois, tu peux avoir un refrain, un couplet, puis là, ça va faire comme. Comme le fond. Hein? Ben, c'est comme une balade. Tu vois qu'elle a changé. Là. C'est pas la même chanson, elle continue, mais c'est pas la même affaire. Regarde ça, ça va recommencer, puis ça va se faire pas pareil pendant tout. Pas mal plus mollo. Différent. C'est comme une balade. Ouais, oui. Qui est très, très bonne, d'ailleurs. Une balade of El Gudo, qu'on pourrait dire. Hein? Et mon Dieu que c'est mauvais. Un dieu comme Zeus. Zeus. J'ai placé tous les jeux de mots que je pouvais. T'as fini? J'ai fini. OK, donc, pour éclairer nos auditeurs, je vous annonce que le numéro 1 du côté anglophone, ça a monté d'une place, et c'est The Ballad of El Gudo de Zeus. Mais tout juste avant, du côté francophone, ça monte de deux places et c'est Ta cadence de Navarre. Tu méritais pas l'explication, c'était parfaitement clair. Oui, limpide. Avec les intrépides. Ah! Non, c'est les palmarès, c'est fou. Position. Years ago, my heart was set to live. Oh, and I've been trying hard against unbelievable odds. It gets so hard at times like now. To hold on, my guns they wait to be stuck by, and at my side is God. There ain't no one going to turn me round. There ain't no one going to turn me round. Send you, it's easy to go. Zip you up and dress you down and stand you in a row. But you know that you don't have to. You can just say no. There ain't no one going to turn me round. dusted, broke down and busted. They'll get theirs and we'll get ours if we can. Just hold on, hold on, hold on, hold on. Years ago, strong odds. It gets so hard at times like now to hold on. I'll fall if I don't fight, and at my side is God. There ain't no one going to turn me around. Turn me round. There ain't no one going to turn me round. There ain't no one going to turn me round. Des palmarès de cette semaine du 9 au 15 septembre 2013. On vient d'entendre en anglophone, on va faire un résumé du top 3, c'est ce qu'on fait d'habitude. Position numéro 3 anglophone, Imaginary City, c'est Sooner or Later. Deuxième, The Cat Empire et Brighter Than Gold. Et on vient d'entendre Zeus avec The Ballad of El Gudo qui monte d'une place. Alors que du côté francophone, c'était en troisième place Dans cette vie de Félix-Antoine Couturier. En deuxième place, L'Orpheline de Caféine. Et finalement, en première place, Ça monte de deux, c'est Ta cadence de Navarre. Et voilà, c'est tout pour le top 5, l'édition top 5 des palmarès, c'est fou. On vous rappelle qu'on est en direct les jeudis entre 15h et 18h. On repasse les dimanches dorénavant, c'est nouveau. Ça commence à midi. Et on est en reprise quotidienne lundi, mardi et mercredi entre 17h et 18h. Pour ceux qui cherchent un peu, là, lundi, c'est l'édition New Shit. Mardi, le top 10. Et mercredi, le top 5. Et voilà. C'est le fun. Ben, c'est simple, dans le fond. Ben oui. Puis sinon, ben, allez sur cif.ca pour comprendre. La programmation est là. Et retrouvez-nous notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Merci, Stéphanie Paradis. Gisèle Paradis. C'est pas ta tante, c'est ta grand-mère. Non, je connais. J'ai pas de Gisèle dans ma famille. D'accord. Merci Raymond. Ça fait plaisir. Merci Plante pour vous servir. Alias Raymond. Et puis, passez une belle journée. Bye. Bye.